Allez, rebonjour chers auditeurs, en ce mercredi 4 mars 2026, je vous propose de vous rendre dans deux marchés cette semaine. Donc vous avez celui de Fère-Champenoise qui est sur la place Georges Clémenceau. Vous avez de la rôtisserie sur place, des fleuristes, un maraîcher, vous avez du poisson, de la charcuterie. Voilà de quoi faire un excellent repas. Vous pouvez m'appeler si vous le souhaitez, je viendrai déguster avec grand plaisir. Et à 25 km d'ici, vous avez Arcis-sur-Aube. Avec également son marché hebdomadaire, on y retrouve des produits aussi du territoire, des fleurs, des vêtements, des spécialités locales bien sûr avec le marchand de saucissons que je vous conseille près de la boulangerie. C'est assez typique des marchés que vous connaissez. Alors c'est l'occasion de prendre l'air, de faire vos courses autrement et de partager un moment de vie locale. Et de temps en temps, on se retrouvera en direct sur les places du marché. Bah oui, les beaux jours arrivent tout doucement. On est bien sûr qu'au mois de mars, mais ça arrive tout doucement. C'est une sortie que vous allez apprécier. Allez, vous êtes toujours dans le carnet des plaines. C'est Loïc avec vous jusqu'à midi.